Des fois, les gens ils me font rire, je t'assure. À se lamenter pour un tas de conneries, pour un rien, ils en font des tonnes et des tonnes. Un peu comme une sitcom, ça me fait connerie. Mais en réalité, je ris jaune. Si seulement ils savaient à quel prix, à quel point je frissonne. J'ai comme une lame sous la gorge, comme une larme qui m'emprisonne. Ajoute à cela mon slam et mon cri sonne. Un cri puissant censé tout remuer. Remuer ces peines qu'on ne peut pas cacher, même en s'initiant. Moi je suis l'enfant de deux parents sourds et muets. Là tu comprends le thème et d'un coup le beat devient insignifiant. Dans ma vie c'est le vide qui prend la plus grande place. Ironiquement, caché par les signes et mon plus grand blues. Et j'ai personne à qui en vouloir et c'est ça qui me blase. Face à ton handicap c'est l'impuissance qui me gave. Maman, je sais ô combien ça t'a rongé. J'aimerais tellement te prendre ce mal rien qu'une fois. Que tu vois comment ton mot m'a changé. Que t'entendes ces mots, que tu puisses être fier de moi. Maman, je sais ô combien ça t'a rongé. J'aimerais tellement te prendre ce mal rien qu'une fois. Que tu vois comment ton mot m'a changé, changé. Que tu puisses être fier de moi. C'est quoi? J'suis venu au monde sans avoir choisi. Alors tant d'années je me suis demandé pourquoi. Pourquoi moi et pas un autre, je restais courtois pour toi. Mais quand on me parlait de chance, j'en croyais pas un mot. On se moquait de moi à l'école quand je répondais avec des signes. Tu trouves ça marrant, bah viens qu'on échange. Mais très vite le sens des responsabilités se dessine. Et je grandis avant l'heure, fruit de mes connaissances. Et d'un bond je découvre un monde que tout le monde ignore. Où seuls les gestes reflètent la réalité. Un monde qui crée à l'aide avec les yeux où l'espoir s'enfonce. Et ce qui me vénère, c'est que les gens font comme si de rien n'était. Vous qui dites tous connaître le malheur, essayez juste de passer une journée avec le volume sur off. La télé sans son, sans musique, sans parler, sans entendre que regarder, comprendre la dureté de ce roche. Maman, je sais ô combien ça t'a rongé. J'aimerais tellement te prendre ce mal rien qu'une fois. Que tu vois comment ton mot m'a changé. Que t'entendes ces mots, que tu puisses être fier de moi. Maman, je sais ô combien ça t'a rongé. J'aimerais tellement te prendre ce mal rien qu'une fois. Que tu vois comment ton mot m'a changé, changé. Que tu puisses être fier de moi. J'ai appris en grandissant dans le silence que la parole a une valeur inestimable. Que les mots sont précieux et que l'écoute tout autant. Alors quand je dis que je pèse mes mots, c'est pas juste une image. J'ai écrit ce texte à l'appel. Et va savoir si j'en sortirai soulagé ou dégoûté. J'ai douté, est-ce que ce morceau vaut vraiment la peine. Quand le compte du rappeur c'est qu'on ne puisse pas l'écouter. Et bah quitte à lâcher, autant le faire à fond. Rien à foutre de la forme, j'suis en pleine opération. J'ai pas besoin de ton piano, j'ai pas besoin de ta caisse claire. Ni ton pied, car je me fie à nos peines. Ça puisse plaire, c'est qu'un détail. J'ai même pas besoin de me baquer. J'ai tellement de rage sur ce thème que personne peut m'attaquer. Ça m'arrache, car je t'aime, mais autour c'est trop néfaste. Je pourrais pas te le dire en face, alors je m'efface devant mes phases. Maman, je sais ô combien ça t'a rongé. J'aimerais tellement te prendre ce mal rien qu'une fois. Que tu vois comment ton mot m'a changé. Que t'entendes ces mots, que tu puisses être fier de moi. Maman, je sais ô combien ça t'a rongé. J'aimerais tellement te prendre ce mal rien qu'une fois. Que tu vois comment ton mot m'a changé, changé. Tu puisses être fier de moi. Maman, je sais ô combien ça t'a rongé. J'aimerais tellement te prendre ce mal rien qu'une fois. Que tu vois comment ton mot m'a changé. Que t'entendes ces mots, que tu puisses être fier de moi. Maman, je sais ô combien ça t'a rongé. J'aimerais tellement te prendre ce mal rien qu'une fois. Que tu vois comment ton mot m'a changé, changé. Que tu puisses être fier de moi.